Géraldine Mosna-Savoie, dans votre carnet de philo, vous nous racontez que vous expérimentez, ça c'est très bien, mais quoi ? Eh bien, depuis quelques temps, je fais l'expérience, d'une drôle d'expérience, je n'ai pas d'autre mot, celle d'attendre un événement qui n'arrive pas. C'est mon camarade Frédéric Saïs qui m'a mis sur la voie, bien malgré lui, puisqu'il a parlé il y a 2 semaines, vous vous en souvenez, dans son billet politique, du difficile démarrage de la campagne présidentielle. Vous vous en souvenez ? Oui, vous vous en souvenez. Ce qui m'a fait cogiter, puisque cette campagne dont on parle pourtant depuis des mois, qui est donc bien là, mais sans avoir vraiment commencé, m'a fait me penser à ma situation toute personnelle face au Covid. C'est ça, et je ne comprenais pas très bien. Voilà. C'était le lien entre la campagne présidentielle moi, mais et moi le aussi, Covid. Mais moi non plus, j'en étais pas très sûre en fait. Mais bon, là je le fais quand même. Et moi, quand est-ce que ça commence pour moi ? Je suis certes en pleine pandémie, comme tout le monde, mais sans en être. Alors, je ne peux pas dire que j'ai envie de l'attraper. Néanmoins, chaque test me fait osciller entre cette alternative. Soit je suis positive, je serai inquiète, mais je me dis, ça sera fait. Soit je suis négative, je serai soulagée, mais alors, jusqu'à quand ? Entre la campagne présidentielle et le Covid, il n'y a donc aucun rapport. Seulement cette expérience en ce qui concerne mon non-Covid, celle d'attendre un événement qui n'arrive pas. D'où votre question, est-ce là l'expérimentation d'une forme inédite de l'attente ? Alors dans ces cas-là, le mieux, Guillaume, je crois, est encore de revenir à Jean-Paul Sartre. Ça me semble sage. Voilà, sa partie 4, chapitre 1, 2 de L'être et le néant, dans lequel il fait une excellente distinction entre l'attente et l'attente. Il faut distinguer soigneusement 2 sens du verbe attendre, qu'on a continué de confondre. S'attendre à la mort n'est pas attendre la mort. Alors ça, c'est pour l'exemple tragique, mais en voici un autre, plus trivial, et toujours chez Sartre. Je peux dire que j'attends le train de Pierre et que je m'attends à ce que son train ait du retard. Je m'attends à ce que son train ait du retard, c'est très important d'entendre ça, car ce qui est bien avec Sartre, c'est qu'au-delà de faire de bonnes distinctions comme celle-ci, il ramène toujours les pieds sur terre, loin d'être inédite, cette attente que j'expérimente, paradoxale, suspendue à l'inattendu, serait en fait assez répandue, banale même, puisqu'on l'expérimente avec la mort ou le retard d'un train. L'essentiel étant donc de bien faire la différence entre le fait d'attendre, je répète, soit le fait passif d'attendre une chose dont on sait très bien quand elle va arriver, et le fait actif de s'attendre à, soit le paradoxe d'attendre sans attendre, d'attendre l'inattendu. Ce qui se produit si je vous suis bien avec la mort, le Covid ou le train en retard. Voilà, que des choses joyeuses, Guillaume, mais c'est quand même une première chose qu'on peut souligner. Ce genre d'attente inattendue n'apparaît-il que dans le cas d'événements embêtants, dramatiques, voire tragiques, autrement dit qui tournent mal ? Réponse, apparemment, oui. Et deuxième chose, s'attendre à la mort, est-ce la même chose que de s'attendre à avoir le Covid ? Réponse, non. Bien évidemment, non. Pas seulement parce qu'il y a une différence entre mourir et être malade, bien sûr, mais parce que mourir relève de la certitude, ce qui n'est pas le cas du Covid, dont la mortalité relève de la probabilité même élevée. Ce qui pose à nouveau frais ma question d'attendre sans attendre. Dois-je m'attendre à attraper le Covid de la même manière que je m'attends à mourir ? Comment s'attendre à cet événement qui ne va pas se produire nécessairement, mais peut se produire très probablement ? C'est ici qu'il faut alors faire une nouvelle distinction, non plus entre attendre et s'attendre à, mais entre s'attendre à une fatalité et s'attendre à une possibilité. Ce qui complique encore plus le problème de l'attente, car que reste-t-il de l'attente quand celle-ci n'est faite que de possible, de peut-être, bref, d'inattendu ? Faut-il encore parler d'attente quand on n'attend rien, si ce n'est peut-être le pire ? Réponse non, et c'est ainsi que j'ai arrêté de m'attendre au pire.